Le premier jour de classe, à la récré, les copains de l'école m'ont baptisé pâte d'araignée, jambe de criquet, la longue ficelle, le long longuet. Le premier jour d'armée, pour m'habiller, il a fallu défaire tous les ourlets, seul devant les copains. Pour la marche à pied, je me suis bien marré après. On peut être grand, très long, très grand. On peut être long, très long, très long. C'est pas pour autant que l'on est grand qu'on est forcément aussi le roi des... La taille, c'est un truc à suicider les gens. Ça fabrique des complexes, on y pense tout le temps. C'est en longeant un mur à la tombée de la nuit que tu es entré dans ma vie. Quand les cloches ont sonné ce matin de printemps, les cuisses et la mairie, les copains ont suivi. Ils disaient tous bien sûr, il est long, long, long, très grand. Mais c'est lui qui se marie la plus jolie. On peut être grand, très long, très grand. On peut être long, très long, très long. C'est pas pour autant que l'on est grand qu'on est forcément aussi le roi des... Le temps des nids trop courts, des pieds glacés, le temps d'être en longueur, c'est terminé. Quand dans le soir câlin, tu viens me dire chérie, c'est fou comme je me sens petit. On peut être grand, très long, très grand. On peut être long, très long, très long. C'est pas pour autant que l'on est grand qu'on est forcément aussi le roi. Yeah.